إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قول المصنف أو المؤلف الباعث الرسول إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا فيما يتعلق بالمتن. Donc les fois on va continuer inshallah. Donc on s'est arrêté lorsque l'auteur va commencer à présent à parler de des prophètes, à parler du prophète plutôt Mohammed alayhi salat wa salam, et qu'il est le dernier des prophètes. Donc dans le cours dernier on a fini sur l'étude de la question liée au qadr, au décret d'Allah, la prédestinée ou au destin si vous voulez. Et ensuite, l'auteur, après avoir parlé du destin, il dit أو يكون لأحد عنه غنى. Et avant de commencer de parler sur la question liée au fait que Mohammed, le prophète Mohammed, est le dernier des prophètes, il dit que وأن يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء. طيب. Et donc pour cela, on avait terminé hier en mentionnant l'explication du Cheikh ici, de Cheikh Al-Fawzan, concernant cette partie qu'on a commencé hier. Donc après qu'il ait parlé de la prédestination, alors ensuite l'auteur dit « Et lui seul a créé, c'est-à-dire c'est lui le Seigneur des hommes et de leurs actes, qui prédétermine leurs mouvements et leurs termes. » Et c'est là qu'ensuite il va dire, il a envoyé pour eux les messagers pour que l'argument soit irréfutable contre eux. Et avant, on avait pris que le Cheikh nous a expliqué que donc pour cela, tous les hommes, après qu'on ait parlé de la question du Qadr, tous les hommes ont besoin de leur Seigneur et personne ne peut se passer du Seigneur. وَلَا يَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ أَحَدْ. Personne ne peut se passer de leur Seigneur. Et Cheikh avait fait mention de certains versets lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit que ô vous les hommes, vous êtes tous dans le dénuement le plus total, c'est-à-dire tous indigents et pauvres à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à ce que Cheikh ici dans le commentaire, il a mentionné des versets. En l'occurrence, il a mentionné le verset dans surat Al-Jathiyah, le verset 21 qui stipule bien cela lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, une traduction relative du sens du verset, et ceux qui ont commis des fautes s'imaginent-ils que nous les laisserons ou nous les placerons vivants ou morts au même rang que ceux qui auront cru et œuvré pieusement. Quel manque de jugement. C'est-à-dire que Ash-Shir nous a expliqué, on s'est arrêté sur ça hier. وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ إِلَّا الْكُفْرِ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدْ. Si Allah avait créé que l'incrédulité et la mécréance, al-kufr, personne donc ne serait donc rentré au paradis. Et il dit فَاللَّهُ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. Donc Allah Jalla wa Ala a créé aussi bien le paradis que l'enfer. Et il a créé aussi bien Al-Kufr et aussi Al-Iman. Il a créé aussi bien l'incrédulité et Al-Iman, la foi. Faqala, donc celui qui entreprend le chemin des bonnes actions, il rentre au paradis. Et celui qui entreprend le chemin de l'incrédulité, du kufr et du mal, dakhal an-nar, il rentre en enfer. Wala yusawi Allah bayna hadha wa hadha. Et ces deux choses ne sont pas semblables, ne sont pas pareilles. Allah ne met pas au même piédestal ces deux choses, c'est-à-dire ceux qui font le bien et ceux qui font l'inverse, c'est-à-dire le mal. Et c'est de ce fait qu'ensuite, Al-Sheikh a cité le verset 21 de Surat Al-Jathiyah, que je viens de vous lire la traduction, lorsqu'Allah dit « Ceux qui ont commis des fautes, s'imaginent-ils que nous les placerons vivants ou morts au même rang que ceux qui ont cru et œuvré pieusement ?» Quel manque de jugement. Vous avez vu ? Est-ce que ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal, Allah Jalla wa'ala les placera au même rang et au même degré ? Là ? Non. Donc c'est pour cela que ils ne seront pas au même niveau. Ensuite, Shir dit, laysa hunaka shay khalaqahu ghayr Allah Jalla wa'ala. Fa kullu ma fi hadha al-kawn khalaqahu Allah wa khaliquhu huwa Allah Jalla wa'ala. Donc il n'y a pas quelque chose dans cet univers, le Cheikh nous dit, qui a été créé par un autre que lui, par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit, « Laysa hunaka shay khalaqahu ghayrullah jalla wa ala. » Aucune chose qu'il y a dans cet univers a été créée par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a dans cet univers, le créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans un autre verset, Allah Jalla wa'ala dit قُلْ رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أُؤْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Dans un autre verset, Allah Jalla wa'ala dit qu'ont-elles créé sur terre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu, dis-leur, est-ce que vous avez vu ce que vous adorez ou ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Qu'ont-elles créé sur terre? Ou bien ont-elles un associé dans les cieux? Amenez-moi une écriture antérieure à ce livre ou quelques vestiges d'une science si vous êtes véridique. Une traduction relative du sens du verset. Donc Allah Jalla wa'ala ici fait un rappel aux polythéistes lorsqu'ils ont adoré autre que lui. Alors il leur dit, ces idoles et ces statues, ceux qui prennent comme divinité, ces fausses divinités, qu'est-ce qu'elles ont créé? Qu'ont-elles créé? Regardez, Allah Jalla wa'ala leur dit, qu'ont-elles créé sur terre? Ou bien ces divinités-là ont-elles des associés dans les cieux? Donc ici, c'est comme si c'est un rappel aux polythéistes arabes à l'époque, aux associateurs, ceux qui adoraient des fausses divinités, Allah Jalla wa'ala leur rappelle en leur disant, mais qu'ont-elles créé ces divinités? Qu'est-ce qu'elles ont créé ces divinités. فقال الشيخ هنا اثبتوا بالدليل اثبتوا بدليل على ان هناك شيء خلقه فلان او علان. Rapportez vos preuves que telle ou telle chose qu'il y a dans cette terre ou dans cet univers, telle divinité ou telle autre ont créé ces choses-là. Rapportez vos preuves si vous êtes véridique. Et وهذا وما استطاعوا ان ياتوا بدليل. وهذا تحد من الله جل وعلا يدل على ان كل هذا الكون من خلق الله جل وعلا فالله هو خالق فالله هو خالق وحده وما سواه هو مخلوق. Et c'est pour cela que cela prouve que Allah جل وعلا leur a donné un défi. تحد من الله جل وعلا, c'est un défi. Lorsqu'Allah dit qu'est-ce que ces divinités ont créé, Allah جل وعلا leur donne une sorte de défi ici. Rapporter des preuves que autre qu'Allah ait pu créer une chose ou des choses qu'il y a dans ce royaume et cet univers. Une sorte de défi. Rapportez vos preuves, vos arguments. Lakin, mais ils n'ont pas pu rapporter des arguments. فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَأْتُوا بِدَلِيلٍ. Et pour cela indique que toute chose qu'il y a dans cet univers, le créateur est Allah. Et il est seul. Allah Jalla wa'ala n'a pas de partenaire, ni d'associé. Allah Jalla wa Ala n'a pas eu besoin d'un autre avec lui, d'un partenaire ou d'un associé pour créer cet univers. Allah Jalla wa Ala est seul et unique. Allahu Ahad. Il est seul et unique et n'a pas besoin d'associé pour créer. Wa ma siwahu fa huwa makhluq. Et tout ce qui est autre que lui, tout ce qui est en dehors de lui, fait partie de la création. Fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u lah. Regardez, Allah aussi leur dit, certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche. Et même s'ils se réunissaient tous, une mouche, ils ne pourraient même pas la créer et lui donner vie. Et ça, lorsqu'Allah Jalla wa Ala fait un rappel aux polythéistes à l'époque, aux idolâtres arabes, du fait qu'ils s'adonnaient à l'adoration au culte des fausses divinités, comme Lat, Uzza, Wahubal, lorsqu'Allah Jalla wa Ala leur fait le rappel que ces fausses divinités ne peuvent même pas créer une mouche, ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Cela s'adresse aussi, en tout temps, à tous ceux qui invoquent et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout temps, même à notre époque. Ceux qui adorent Al-Awliya, les saints, par exemple, les défunts, même si c'était soi-disant des pieux et des saints, le fait de les invoquer, est-ce que ces saints, Al-Wali Fulan wa Allan, est-ce que ces saints peuvent créer une mouche? Là, ils ne peuvent pas donner vie à une mouche. Enfin, Allah Jalla wa Ala dit, Inna alladhina tad'una min dunillah, certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche. Ça, c'est général, c'est toutes les fausses divinités, tous ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, qui ne peuvent même pas créer une mouche et donner vie à une mouche, alors ils ne méritent pas l'ibada, ils ne méritent pas l'adoration. Ensuite, Shir va nous expliquer donc, Allah est donc le Seigneur des serviteurs, des êtres, il est leur souverain, c'est lui qui administre ce monde. Et ensuite, il va dans, donc ça c'était dans l'explication de la parole de l'auteur, Allah huwa rabbul ibad wa rabbu a'malihim. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des hommes et de leurs actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur, aussi bien des hommes et de leurs actes. Et ensuite, Shir Fawzan ici va expliquer cette partie. Ensuite, l'auteur dit, après qu'il ait dit que Allah Jalla wa Ala est le Seigneur des hommes et de leurs actes, qui prédétermine leurs mouvements et leurs termes. Donc Allah Jalla wa Ala est aussi bien le Seigneur des hommes et de leurs actes, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détermine aussi bien leurs mouvements et leurs termes. Aussi bien leurs mouvements et leurs termes. فَلَا يَتَحَرَّكُ إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ. C'est-à-dire que tout mouvement qui se fait, toute œuvre, tout acte que font les êtres, ils le font, فَلَا يَتَحَرَّكْ إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ. Tout ce qui se fait, eh ben, c'est prédestiné, et bien prédéterminé. Leur mouvement est prédéterminé, aussi bien leur terme. هُوَ الَّذِي يُقَدِّرْ حَرَكَاتِهِمْ وَهُوَ الَّذِي يُقَدِّرْ أَجَالِهِمْ وَنِهَايَتْ أَعْمَارِهِمْ. C'est Allah Jalla wa Ala qui a prédéterminé aussi bien leur mouvement, leurs actions, il a prédéterminé leur délai, وَنِهَايَتْ أَعْمَارِهِمْ, et la fin de leur terme, c'est-à-dire leur fin, leur mort. Pour ça, dans un verset, Allah dit وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ illa fi kitab. Regardez dans un verset, une traduction relative, Allah dit, il n'y a pas un être, écoutez bien, il n'y a pas un être dont la durée de vie, longue ou brève, ne soit consignée dans le livre. Vous avez vu, Allah Jalla wa Ala dit, c'est une traduction du sens du verset, c'est le verset 11 dans surat Fatir. Allah dit, wa ma mu'ammar min mu'ammar. Il n'y a pas un être dont la durée de vie soit longue ou bien courte, sans que cela ne soit consigné dans un livre. Donc ça, c'est une preuve aussi que le terme, l'ajal, le délai de l'individu, a été consigné dans un livre. C'est pour cela que l'auteur, regardez dans une phrase très simple, hein, c'est très pertinent, regardez lorsqu'il dit, donc Allah Jalla wa Ala est celui qui a prédéterminé leur mouvement et leur terme. Donc, il affirme bien que aussi bien les mouvements que les termes des individus sont prédéterminés. Après qu'il ait dit qu'il est Allah, Jalla wa Ala, le Seigneur des âmes de leurs actes. Et on avait bien explicité ça dans le cours d'hier. Vous vous en rappelez, hein? Taïb. C'est pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer dans l'étude. Taïb. Ensuite, l'auteur, là maintenant, il dit Al-Ba'ith الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنظار والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et là maintenant il dit, il a envoyé pour eux les messagers pour que l'argument soit irréfutable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Et ça répond même aussi à qui? Ça répond à tout partisan de la pensée de Al-Jibriya. Vous avez vu ce qu'on a parlé hier concernant des extrémistes, hein, concernant cet excès dans la croyance en la prédestination et au qadr. Ceux qui ont rapporté cette doctrine et cette pensée disant que l'homme, de toute manière, il est contraint. Ce qu'il fait, il est contraint. Il n'a pas la capacité de choisir, il n'a pas le choix. C'est-à-dire, ils ont réfuté le libre arbitre et nié la question du libre arbitre. Dans ce cas-là, des savants ont dit: pourquoi Allah Jalla wa Ala a envoyé des prophètes et des messagers? Si les hommes sont contraints, ils n'ont pas de choix et la capacité de pouvoir choisir, et il n'y a pas de libre arbitre, alors pourquoi Allah Jalla wa Ala a envoyé des prophètes et messagers? C'est pour cela que cette croyance est infondée, et cette croyance est fausse, et elle va à l'encontre du message de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Donc ensuite, Cheikh nous dit, وَمِنَ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى بِعِبَادِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكِلْهُمْ فِي دِينِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ يَخْتَارُونَ مَا يَرَوْنَ أَنَّهُ خَيْرٌ وَقَدْ لَا يَكُونَ خَيْرًا لِقُصُورِهِمْ وَقُصُورِ عِلْمِهِمْ وَإِدْرَاكِهِمْ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَكِلْهُمْ إِلَى عُقُولِهِمْ وَإِنَّمَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ كُتُبَهُ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الْعِبَادَةَ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْهُمْ وَطَرِيقَ الْخَيْرِ وَطَرِيقَ الشَّرِّ هِدَايَةً لَهُمْ وَإِقَامَةً لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَالْمُؤْمِنُ يَنْتَفِعُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليهم فالله لم يترك العباد هملا ولا سدى وإنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. Donc regardez ce que Cheikh nous dit. Il nous explique ensuite que Allah donc a envoyé des prophètes et des messagers. Et cela, il l'a envoyé par miséricorde. C'est une grande miséricorde. Et vous savez, l'envoi des prophètes et des messagers vers les hommes, c'est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala a octroyé et a donné aux hommes. C'est l'un des plus grands bienfaits. C'est l'une des plus grandes miséricordes qu'Allah Jalla wa Ala leur a envoyé des prophètes et des messagers qui sont des avertisseurs et qui sont des annonciateurs d'une bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de azim. Et c'est pour ça que regardez Cheikh ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit une parole très très très pertinente. Il dit لَمْ يَكِلْهُمْ فِي دِينِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ يَخْتَرُونَ مَا يَرَوْنَ أَنَّهُ خَيْرٌ. Allah Jalla wa Ala les a pas laissés à eux-mêmes, les hommes. C'est-à-dire Allah Jalla wa Ala nous a pas laissés seuls à nous-mêmes. C'est-à-dire que on choisirait ce qu'on trouve bon et on s'écarterait ce que nous on trouve de mauvais, c'est-à-dire on est voué à nous-mêmes. Allah Jalla wa Ala nous a pas voués à nous-mêmes, il nous a pas laissés seuls comme cela. Allah Jalla wa Ala par miséricorde nous a envoyé des prophètes et des messagers, justement pour nous montrer le bon chemin, nous montrer le droit chemin, nous montrer ce qui est bon, et aussi pour nous montrer ce qui est mauvais, pour qu'on puisse s'en écarter. Mais si Allah Jalla wa Ala nous aurait laissés seuls, voués à nous-mêmes, et nous-mêmes on choisit d'éviter ce qu'on pense nous-mêmes être mauvais et de choisir ce qui est bon. Mais on peut faire beaucoup d'erreurs. Et on n'aurait pas été épargné de l'erreur. Pourquoi? Parce que notre science est limitée et notre idrak, notre conception des choses est limitée aussi. C'est pour cela que Allah Jalla wa Ala nous a envoyé des prophètes et des messagers. Pourquoi? Parce que d'être voué à soi-même, ça peut être la cause de l'égarement de l'individu. Et donc, Allah Jalla wa'ala, par miséricorde, nous a pas laissé face à notre déficience, face à nos manquements, seul, comme cela, sans instruction, sans direction à suivre. Allah Jalla wa'ala nous a envoyé des prophètes et des messagers. Et donc, il a envoyé des messagers et il a fait descendre des livres. Ni'matun min indillah. Et regardez comment c'est pertinent que l'auteur parle de ce sujet-là après qu'il ait parlé de la question du qadar. C'est très pertinent. C'est pour ça que le hadith al-muqaddima nafisa. Elle est très précieuse, cette muqaddima. Après que l'auteur nous ait parlé de al-qadar et qu'on a compris dans le qadar qu'en réalité l'être humain il a un libre arbitre, et Allah Jalla wa'ala donc nous a laissé le choix, nous a donné, doté de cette capacité de pouvoir choisir. Et donc, maintenant l'auteur nous dit qu'Allah Jalla wa'ala, il nous a donné la capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Il nous dit qu'Allah Jalla wa'ala, justement, nous a envoyé des prophètes et des messagers pour qu'on puisse connaître où se trouve le bien et le mal. Et donc, qu'on puisse choisir ce que l'on veut et désire. Lorsque vous connaissez le chemin droit, ensuite vous pouvez vous orienter vers ce chemin et cheminer vers ce chemin. Et donc Allah Jalla wa'ala a envoyé des prophètes et des messagers avec des livres. وَلِيُبَيِّنْ pour qu'ils puissent clarifier aux gens, aux hommes, le bien et le mal. C'est une clarté. Et de ce fait, regardez ce qu'il nous dit. Donc, ici, il y aura une guidée pour les hommes. Et ils vont enseigner aux hommes l'adoration qu'Allah veut des hommes. Si Allah Jalla wa'ala n'a pas envoyé de prophètes et de messagers, comment serais-tu, comment Allah Jalla wa'ala veut être adoré? Et quelles sont donc les adorations qu'Allah Jalla wa'ala agrée pour nous? L'insan, tout seul, voué à lui-même, il ne peut pas savoir. Donc Allah, par sa miséricorde, il a envoyé des prophètes et des messagers, et eux nous enseignent le culte qu'Allah Jalla wa'ala agrée et accepte. Et qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, les prophètes et les messagers ont enseigné l'adoration voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend donc qu'on ne peut pas adorer Allah jalla wa'ala comme bon nous semble, comme voudrait lui l'individu adorer son Seigneur. On doit l'adorer avec ou par ses adorations qu'Allah jalla wa'ala a légiféré. Taïb. C'est pour ça que même ça, c'est une réponse, c'est une réfutation aux gens qui veulent innover. Qui veulent innover des adorations. Imaginez-vous que juste des adorations qui sont légiférées, on peut pas les faire comme bon nous semble et n'importe comment. Regardez à l'époque du grand tabi'in, l'un des plus grands tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, un jour il vit un homme qui faisait des prières après Salat al-Fajr, après la prière de l'aube. Un homme faisait des prières. Alors lorsque Saïd ibn al-Musayyib, min akbar tabi'in, l'une des plus grandes références parmi les successeurs des compagnons, Fizaman al-Tabi'in, il dit à l'homme, ne fais pas ça. Il lui interdit de prier bar de salat al-fajr. Alors l'homme lui a dit, mais est-ce que la prière c'est pas quelque chose de louable, quelque chose de bon? C'est pas quelque chose de bien, une bonne pratique la prière? N'importe quelle personne, qu'est-ce qu'il dirait? Naam. Est-ce qu'on peut reprocher à une personne de prier? Là, on ne peut pas reprocher. Donc l'homme dit à Saïd ibn al-Musayyib, il s'est cru intelligent, il lui dit, penses-tu qu'Allah va me châtier parce que je prie? Parce que je fais des prières? Alors l'imam Saïd ibn al-Musayyib lui dit, Allah ne te châtiera pas parce que tu as prié, mais tu seras châtié parce que tu as contredit la sunna du messager d'Allah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné de prier bar de salat al-fajr, bien au contraire. C'est un moment où il ne faut pas prier. Donc regardez, qu'est-ce qu'il lui a dit Saïd ibn al-Musayyib? Tu ne seras pas châtié pour la prière, mais tu seras châtié, Allah peut te châtier, à cause de ton opposition à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'ordre du messager d'Allah. Et de ce fait, ça rappelle même cette histoire, lorsque il y avait l'imam Malik, et ils étaient en train de traiter de la question du miqat. Lorsqu'on veut faire l'umrah ou bien le hajj, que les gens de Médine, ils font l'ihram, ils se mettent en état de sacralisation à Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, cet endroit à proximité de Médina, un peu plus de 10 km de Médina, cet endroit où on doit se mettre en état de sacralité, en ihram. Alors un homme a dit, il y a imam, imam Malik en s'adressant à lui, et si on se met en état d'ihram à cet endroit, c'est quelques mètres. Yani, c'est juste une distance, une question de distance. Est-ce qu'on peut se mettre en ihram à cet endroit? L'imam Malik lui a dit, akhsha alayka al-fitna. Je crains pour toi al-fitna. L'homme lui a dit, ya imam, c'est juste une distance, quelques mètres. Et là, l'imam lui récita le verset, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde, Allah Jalla wa'ala dit dans un verset, que prennent garde ceux qui contredisent son ordre. L'ordre de qui? Les commentateurs, les exégèses du verset, dans l'exégèse, ils disent l'ordre du messager d'Allah. Que prennent garde ces gens qui contredisent l'ordre du messager d'Allah, qu'une fitna les touche, ou bien qu'un châtiment douloureux les atteigne. C'est contredire l'ordre du prophète, alayhi salatu wa salam. Al-Muhim. Donc, Cheikh ici nous dit, parce qu'on a du boulot, c'est pour ça que j'essaie d'avancer un peu vite, Cheikh nous dit, donc Allah Jalla wa Ala n'a pas laissé les hommes comme cela. Il les a pas laissés sans instruction. Allah Jalla wa Ala nous a pas laissés. Walillahil hamd. Par sa miséricorde, il nous a envoyés. Et clémence, il nous a envoyé des prophètes et des messagers. Et comme il dit, Shirf Allah, lam yatruk al-ibad hamalan wa la souda. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas laissés. Et regardez ce qu'il dit. Wa la souda. Wa innama arsala ilayhim rusula. Wa anzala alayhim kutuba. Allah leur a envoyé des messagers avec des livres. Il ne les a pas laissés à eux-mêmes. Le Rasoul dit, et le premier des messagers, c'est Nuh, alayhi salam. Le premier messager, c'est Nuh, comme Allah dit dans le verset, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Et de ce fait, le Cheikh nous dit, Amma l'anbiya, fa min qabl Nuh, alayhi salam, Adam, Nabi wa Idris. Et il dit, parmi les prophètes, ceux qui étaient avant Nuh, il y a par exemple Adam. Adam est considéré aussi, notre père Adam est considéré comme un prophète. Il y a eu Idris. Idris et beaucoup de savants, et c'est l'avis qui est vu juste par beaucoup de savants, on va pas trop s'étaler sur cette question, beaucoup de savants considèrent que donc le premier messager, c'est Nuh, alayhi as-salam. Idris, qui était avant lui, est considéré chez beaucoup de savants comme prophète. Et c'est pour cela que vous ignorez pas que donc il y a une différence entre prophète et messager. Prophète et messager. Et Cheikh nous dit donc, wa amma ar-rusul fa inna awwalahum, donc le premier des messagers, c'est Nuh, alayhi salam, et le dernier d'entre eux, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Fala ya'ti ba'dahu nabi. Et après lui, il n'y aura pas de prophète, ni de messager. Le Nabi sallam dit, ana khatam an-nabiyyin, la nabiyya ba'di. Je suis le dernier des prophètes, et après moi, il n'y aura pas de prophète, ni de messager. Pas de prophète, ni de messager. Fahoua Nabi, et donc c'est le prophète, le dernier, wa ila antaqoum sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure. L'arrivée de l'heure, ila qiyam sa'a. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة بالناس إلى بعثة نبي بعده. Pourquoi? Parce que après l'avènement, après l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas besoin, les hommes n'ont pas besoin de l'envoi d'un autre prophète. Les hommes n'ont pas besoin d'un autre prophète. لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec ce dont les hommes ont besoin jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'à la dernière heure. Et fal Qur'an salih li kulli zamanin wa makan. De ce fait, on comprend que le Qur'an il est salih li kulli zamanin wa makan. Il est bon en tout temps et en toute époque. Le Qur'an, il est comme il dit Cheikh ici, il emploie le terme fal Qur'an salih li kulli zamanin Wamakan, il est applicable en tout temps et en toute époque. Et pour cela, il dit, وَالشَّرِعَةُ الْإِسْلَامِيَّ صَارِحَةُ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Et même la législation d'Allah, ce qu'on appelle Shari'atullah, la législation d'Allah, elle est applicable en toute époque et en tout temps, en tout temps, en tout lieu, si vous voulez. En toute époque et en tout lieu. Et donc le Coran est bon et applicable en tout temps et en tout lieu. فَمَنْ اَعْتَقَدَ أَنَّهُ يُبْعَثْ نَبِي بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهُوَ كَافِرٌ. Maintenant, il répond à une question, que celui qui penserait qu'il pourrait y avoir un prophète après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, fahuwa kafir. Il n'est plus musulman. Il ne peut pas être musulman. Si quelqu'un pense que, même s'il a fait le hajj, même si yusalli, c'est ça qu'il faut bien comprendre, même si une personne, il croit au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il fait la prière, il s'acquitte de l'aumône légale, il a fait le jeûne du ramadan, il a fait le hajj. Et il dit aux gens, un hajj, j'ai fait le hajj. Et il pense qu'il peut y avoir un prophète après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il croit en un autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa kafir. N'est plus musulman, fahuwa kafir. Pourquoi? Parce que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, huwa khatam al-nabiyyin. Le prophète lui-même le dit qu'il est le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. S'il croit un autre prophète après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il démentit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَمَنْ صَدَقَ الْكَذَبَ الْمُتَنَبِّئِينَ فَهُوَ كَافِرٌ. Donc celui qui croira en tous ceux qui viendront, parce que ensuite, déjà à l'époque du prophète, comme on va l'expliquer, hein, à l'époque du prophète, il y a eu des menteurs et des imposteurs. Il y a eu des gens qui ont prétendu la prophétie. Comme l'exemple de Musaylamah al-Kadhab. Et même après l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, des gens ont prétendu la prophétie et prétendu être des prophètes. Si un homme ou un musulman accorde de foi à cela, alors faqad kharaja min al-islam. Il est sorti de la religion de l'islam. Même à notre époque, hein. Même à notre époque, au début du 20e siècle, hein, en ce siècle-là, hein, en les années 1900, vers la fin 1900, il y a un homme qui se disait prophète. Il se disait musulman, parmi les musulmans. Et il est à la tête, c'est lui qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya, il est le fondateur de cette jama'a. Et Shir va faire allusion à lui. Il dit, وَلِذَلِكَ لَمَّا دَعَا النُّبُوَّةَ لَمَّا دَعَا النُّبُوَّةَ هَذَا الْكَذَّابِ أحمد القادياني في هذا الزمان حكم المسلمون عليه بالإجماع أنه كافر وعلى أتباعه بأنهم كفرة. Vous savez, il y a cet homme-là qui s'était dit prophète, il s'appelait Ahmed al-Qadiani. Al-Qadiani. Pourquoi il s'appelait Ahmed al-Qadiani? Parce que il était de la ville Qadian. C'était en Inde. Et lui, il s'est dit. Il est mort à peu près en 1908, donc vous avez vu, hein, c'est de notre ère, hein, en 1908, et lui donc, arrivé à peu près, ils disent, à la cinquantaine d'années, lorsqu'il a eu 50 ans, il a prétendu recevoir une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il s'est prétendu prophète, et il s'est prétendu être le Messie, c'est le Messie qui doit revenir. Il s'est prétendu en même temps étant Al-Masih et étant Al-Mahdi, Al-Muntazar, étant le Mahdi. Et que Allah Jalla wa'ala l'a envoyé pour revivifier la religion. Et donc il avait un message. Et ensuite il a été suivi par des hommes. Et ça a été la cause, hein, de l'apparition de cette secte qu'on appelle Jama'at al-Ahmadiyya. Ils sont marlouf, ils sont célèbres, Jama'at al-Ahmadiyya. Plus exactement, il est né en 1835. Il est né en 1835 et il est mort en 1908. Donc vous avez vu, c'est de notre ère. Et il est dit qu'il est décédé au Pakistan, il est mort du choléra. Il est mort du choléra. Et comme je vous ai dit, donc, lui, il a revendiqué la prophétie. Il a revendiqué, donc, أعلن أن الله قد أرسله مسيحا موعودا ومهديا منتظرا وظل كذلك حتى مات هذا الكذاب. ولهذا ensuite ça a donc donné naissance à cette secte qu'on appelle الأحمدية المعروفين الأحمدية. Et ensuite, après sa mort, il y a eu des successeurs qui sont, on va dire, les chefs spirituels de ce mouvement. Il y a eu des successeurs qui sont considérés comme leurs chefs spirituels. Et donc, les autres sont les adeptes et les disciples de cette secte, qu'on nomme Al-Ahmadiyya. Et le successeur, le chef spirituel hein, contemporain, là, de ce temps, il est en Angleterre, à Londres. Il est à Londres. Et donc, il y a toujours des disciples et des partisans. Ça, ça fait partie de, par exemple, des exemples de contemporains, par exemple, de cette ère. Sinon, on avait dit qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait Musaylamah al-Kadhdhab, qui se disait prophète. Et de ce fait, le prophète s'enseigne dans un hadith, le prophète s'enseigne dit, « Siyakuna fi ummati kadhabuna thalathun » كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Le prophète lui-même nous a dit, regardez, c'est une prophétie. Dans un hadith, le prophète sallam dit: "سيكون في امتي, il y aura dans ma communauté كذابون 30 imposteurs, 30 menteurs. Ils prétendront la prophétie. Alors que je suis le dernier des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi." Et c'est pour cela que, regardez par exemple, pour celui qu'on a dit précédemment, Al-Qadiyaniya, le fondateur de la secte de l'Ahmadiyya Al-Qadiyaniya, Ahmed Al-Qadiyani, hada, tous les savants de notre époque, fi hada zaman, ont jugé que tous ceux qui ont encore des foi à lui et cru en Ahmed Al-Qadiyani, eh ben, ont jugé que annahum bil-ijma'a, avec un consensus des savants contemporains, que annaha oula bil-ijma'a annahu kafir. Ont jugé que lui-même, Ahmed Al-Qadiyani, هذا كافر ليس بمسلم n'était pas musulman parce qu'il a prétendu النبوة وكذلك على أتباعه بأنهم كفرة. Et on jugeait aussi en ce qui concerne les disciples et les partisans. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. Regardez, ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Même Allah dans le Coran il le dit: Makana Muhammadun aba ahad min rijalikum. Le prophète ensam n'est pas le père de l'un de vos hommes. Walakin rasulullah, mais c'est le messager d'Allah, wa khataman nabiyyin. Et c'est le dernier des prophètes. Regardez, c'est le prophète a une parole admirable. Très belle parole. Lorsque cet homme, un homme qui s'appelait Musaylamah al-Kadhdhab. Au début, il est rapporté dans l'histoire que Musaylamah al-Kadhdhab, lorsqu'il est venu, il est venu avec un groupe, c'est à l'époque que les clans et les tribus arabes affluèrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accorder foi au message et pour se convertir et embrasser l'islam. Donc ils allaient attester la ilaha illallah auprès du prophète et que Mohammed est le messager d'Allah. Ils disent que Musaylamah al-Kadhdhab, il était venu avec 10 hommes. Et Musaylamah al-Kadhdhab, parmi les choses qui sont rapportées, il est rapporté que lui savait que lorsque des hommes venaient au prophète sallam pour embrasser l'islam, lorsque l'un d'entre eux était au service des autres, le prophète sallam leur donnait une sorte de prédominance et leur faisait l'éloge. C'est-à-dire que si un groupe de gens, d'un clan, d'une tribu, venait pour se convertir à l'islam, embrasser l'islam, et un homme parmi eux s'occupait de ce groupe, était au service de ce groupe, le prophète sallam faisait l'éloge de cet homme. Musaylamah al-Kadhdhab, on voit bien qu'il avait une sorte de perfidie, hein. Perfidie, c'était quelqu'un de calculateur. Lui, il savait cela. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, il a dit à ses compagnons, aux neuf autres, allez voir le messager d'Allah. Et si vous le demande au sujet du dixième, c'est-à-dire à mon sujet, si vous demande, je suis où, dites-leur ou dites-lui que je suis à votre service et que je m'occupe de vos effets et donc je me suis absenté et que je suis à votre service. Alors lorsqu'ils s'en allèrent vers le prophète, ils embrassèrent l'islam, et le prophète, il est rapporté, hein, certains rapportent dans cette histoire, qu'il demanda à son sujet du dixième, et ils disent, le dixième est très à notre service, il s'occupe de nos effets, et autres. Alors le prophète, a fait l'éloge, a dit, il est le meilleur d'entre vous. Et de là, il a eu l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam. De ce fait, lorsqu'il rentrera plus tard, et donc ses compagnons à lui, les neuf autres, vont commencer à faire da'wah, appeler leur peuple, hein, jusqu'à vers l'imam, à l'islam. Ensuite, lui viendra et dit, moi j'étais le meilleur d'entre vous, avec le témoignage du messager d'Allah. Et c'est après cela, il va se revendiquer lui-même prophète. Il va se dire prophète. Jusqu'à ce qu'un jour, il va envoyer une lettre, un message au prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant qu'il a reçu une révélation, il est messager d'Allah avec lui, et lui aussi, il est prophète avec lui, et il va dire dans ce message de moi, Musaylama, et il va dire en s'adressant au prophète, à Muhammad, le fils de Abdullah, messager d'Allah parmi les Quraïchites, à moi la moitié de la terre et à toi l'autre moitié. À moi la moitié et toi l'autre moitié. Et c'est là que c'est ajib la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'accordez aucune attention à cet homme-là. Aucune attention à cet homme-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste, il lui a écrit, il lui a répondu, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, une traduction relative, il lui a dit, la terre appartient à Allah. Il l'a fait hériter à ses serviteurs qu'il désire. Wala aqibatu lil muttaqin. Et la finalité pour les pieux. C'est tout. Aidez le prophète. Ça, c'est une parole admirable, subhanallah. On voit la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez. Aucune forme de polémique. Vous avez vu le comportement admirable du prophète, alayhi salatu wassalam. Aucune attention à cet homme. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Innal arda lillahi yurithuha liman yasha min ibadihi. Wala aqibatu lil muttaqin. Il dit ça le prophète, alayhi salatu wassalam. La terre appartient à Allah. Il la fait hériter, il la donne à qui il veut. Et la finalité est pour les pieux. Et plus tard, c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'un jour, il y a plein de récits qui sont racontés, parce qu'ensuite, lui, il a inventé des vers, des sourates. Il voulait inventer des sourates. Il y a même une anecdote qui rapportait un jour qu'il était avec Amr ibn al-As. Avec Amr ibn al-As, vous savez, les Arabes, à l'époque, c'était des gens, attention, qui étaient pas bêtes. Et c'était des gens qui étaient dotés d'une certaine raison. Un jour, il est rapporté que Amr ibn al-As, un compagnon, était avec Musaylama al-Kadhdhab. Il lui dit, et Musaylama al-Kadhdhab, il dit, tu sais, moi aussi, j'ai des sourates. et Amr ibn al-As, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme sourates? Il lui a dit, tu sais, moi aussi, j'ai sourate al-Fil. Il lui dit, ah ouais, il lui dit, récite-moi, qu'est-ce qu'elle dit ta sourate, sourate al-Fil? Et il dit, wal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, l'éléphant. Et sais-tu qu'est-ce que l'éléphant, avec sa queue dure et sa longue trompe? Et il dit ça à Amr ibn al-As. Après Amr ibn al-As, il lui dit, as-tu encore des sourates? Et lui dit, oui, j'ai la sourate de la grenouille. Et lui dit, j'ai la sourate de la grenouille. Et là, c'est là qu'il y a la célèbre, il y a cette histoire, et c'est là qu'il est rapporté que Amr ibn al-As, regardez la très belle parole, il lui dit, ya Musaylama, et Musaylama, il lui dit, tu sais très bien, tu sais que je sais que tu es un menteur. Et ça, tu le sais que moi, je le sais. Il dit au fond de toi, tu le sais très bien que moi je sais que tu es un menteur. Et plus tard, il est rapporté. Et regardez, ça s'est enchaîné. Parce que plus tard, ensuite, lui, il va se rebeller. Il va se rebeller contre Abu Bakr. Après la mort du prophète, lui-même, Musaylama al-Kadhdhab, il va se rebeller contre Abu Bakr. Siddiq. Et dans cette rébellion, subhanallah, il va faire une alliance avec une femme. Il va faire une alliance avec une femme qui s'appelait Sadja. Sadja. Et cette femme aussi, elle revendiquait la prophétie. Cette femme revendiquait la prophétie, elle se prenait pour une prophétesse. Donc on va dire après l'Aden, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمد Donc on avait dit هذا مسيلمة Donc c'est lui-même le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a nommé مسيلمة الكذاب Musaylamat al-Kadhdhab, l'imposteur, le menteur. Donc après la mort du prophète, lui, il a commencé à dire que à présent, il avait des révélations venant de Jibril, alayhi salam, et que Jibril venait à lui. Et il a rapporté qu'il prétendait même que Jibril était venu à lui, et il lui confiait ensuite la mission de toute la terre. Vous avez vu, au début, il disait que la moitié pour lui et la moitié pour le prophète, alayhi salam. Ensuite, il dit que Jibril est venu et lui confia la mission de toute la terre. Enfin, et il s'est rebellé à l'époque de Abu Bakr, lorsque Abu Bakr était le premier calife. À cette époque, il s'est insurgé et rebellé contre Abu Bakr. Et aussi, il y avait une femme aussi, à l'époque, qui se disait prophétesse. Qui se disait prophétesse. Et elle aussi s'est insurgée contre Abu Bakr et contre les musulmans. Elle s'est insurgée. Et elle, si vous voulez, c'était une prophétesse comme elle se disait, hein, elle se prétendait prophétesse, elle était d'origine chrétienne, donc elle est à la tête de rebelles contre l'islam et les musulmans, mais elle professait une sorte de syncrétisme. De syncrétisme, syncrétisme c'est entre l'islam et le christianisme, une sorte de nouvelle religion qui sera entre l'islam et le christianisme. Sauf qu'ensuite, elle fit un pacte justement avec Musaylamat al-Kadhdhab. Et il est dit qu'elle s'est mariée avec lui. Donc, le menteur, l'imposteur et la menteuse, s'ils sont mariés ensemble. Tazawwa Jabiha. Comme on dit, ceux qui se rassemblent, ceux qui se ressemblent ou se ressemblent, qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit. Enfin, Had al-Kadhdhab, l'imposteur, qui se ressemble, s'assemble, s'est marié avec cette menteuse. Et jusqu'à ce qu'ensuite, après, quand il fut tué, vous connaissez tous la bataille qui s'appelait la bataille de Al-Yamama, et là, il fut tué. Et il fut tué, justement, celui qui a envoyé une lance, c'était le Wahshi. Wahshi ibn Harb, celui qui avait tué Hamza, l'oncle du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est comme si, certains ont expliqué, c'est comme si c'était sa compensation du fait qu'il avait tué Hamza. Ensuite, c'est lui qui avait lancé son javelot, il l'a lancé sur Musaylamat al-Kadhdhab, fa qatalahu, Wahshi ibn Harb. Et certains disent qu'ensuite, il a envoyé sa lance, mais c'est Abu Dujana. C'est Abu Dujana ensuite qui a porté le coup de grâce, comme on dit. Le coup de grâce. Et après, Sajah, cette femme qui prétendait la prophétie, il est rapporté qu'ensuite elle s'est convertie à l'islam. Et elle a embrassé. Ensuite, elle embrassa l'islam. Donc, dans le hadith qu'on a dit, que Cher, comme il nous dit, que le prophète sallam a dit, après moi, dans ma communauté viendront 30 menteurs, tous prétendront la prophétie. Donc, après l'envoi du prophète, et ça s'est bien produit, ça s'est confirmé, des gens ont prétendu la prophétie. Comme on a dit premièrement, Musaylamat al-Kadhdhab, lui c'était du vivant du prophète, mais ensuite il y a eu d'autres. Et lui, par exemple, Al-Aswad al-Unsi, lui aussi, il était au Yémen et a prétendu la prophétie. Al-Aswad al-Unsi, et ça c'était à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque des compagnons. Fa zaharat sajah, comme on a dit, hein, sajah c'est celle qu'on vient de mentionner. Wa tanabba aïda, il y a eu un homme aussi qui s'appelait Talha. Talha, ou Tureyha ibn Khwaylid al-Asadi. Tureyha ibn Khwaylid al-Asadi, c'est un homme aussi qui a prétendu la prophétie. Et ثم تاب ورجع الى الاسلام وحسن اسلامه. Ensuite plus tard il va se repentir et il va embrasser l'islam et alhamdoulillah hasuna islamu. ثم ظهر, ensuite apparaîtra un autre homme. Un autre homme qui s'appelle Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Un autre homme apparaîtra après lui comme on a dit là Al-Mukhtar, Mukhtar il s'appelait le fils d'Abu Ubayd al-Thaqafi. Lui aussi, au départ, lorsqu'il va apparaître, il va faire croire aux gens qu'il aime les gens de la maison du prophète. C'est yudhir yani mahabbat ahl al-bayt. Wa mutalaba bidam al-Hussein. Et lui, il va faire partie de ceux qui vont demander ici le prix du sang de al-Hussein. Wa kathura atba'u fataghallaba 'ala al-Kufa fi awwal khilafa ibn Zubayr, thumma aghwahu ash-shaytan fadda'a an-nubuwata wa nuzul Jibril 'alayhi. Donc ensuite, lorsque il va demander le prix du sang de l'Hussein, et il va mettre en apparence qu'il aimait, hein, que c'était un partisan des gens de l'Bayt, des gens de l'Bayt, lorsque il va avoir beaucoup de disciples et de partisans, et ça sera en terre d'Irak, plus précisément, Al-Kufa, plus tard, et ça c'est à l'époque du khilafa de Ibn Zubayr, Abdallah Ibn Zubayr. C'est pour ça que Abdallah Ibn Zubayr, ceux qui prétendent que Abdallah Ibn Zubayr à l'époque s'est insurgé contre les autorités de son époque. Abdallah ibn Zubayr, le compagnon, s'est pas insurgé puisqu'à un moment donné, il était calife. À un moment donné, il est devenu calife. Et cela pendant quelques mois. Comme le stipule bien Ibn Kathir fi Bidayat wa Nihaya. Ensuite, il fut assassiné. Il fut assassiné à l'époque de Al-Hajjaj. Ibn Yusuf, avant. Il fut assassiné ensuite. Naam, c'était à cette époque. Et à cette époque même de son khilafa, c'est là qu'il y a eu l'apparition de cet homme. Il y a eu l'apparition de cet homme qu'on a dit, qui s'appelait Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Et quand il a eu beaucoup de partisans et de disciples al-Kufa, alors là, il a prétendu la prophétie et il disait que Jibril descendait vers lui et lui révélait, et ben là, la révélation. وَالَّذِي يُقَوِّي أَنَّهُ مِنَ الدَّجَّالِينَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بعد سياقة لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني أترى هذا منهم يعني المختار قال فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. Il est rapporté de Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai qui était l'élève célèbre de Abdallah ibn Mas'ud. Et Abdallah ibn Mas'ud qui avait son élève, hein, Ibrahim al-Nakhai, qui faisait partie des grands disciples du grand compagnon, lorsqu'on lui a cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'apparaîtront des gens qui se prétendront tous prophètes. Des gens viendront, des imposteurs, et ils prétendront la prophétie. Lorsqu'ils lui ont demandé au sujet de cet homme, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, Ibrahim al-Nakhai a dit, lui, il fait partie des têtes. Il fait partie des têtes de ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné. Donc viendront une trentaine d'imposteurs. 30 imposteurs qui prétendront la prophétie. Et il y a eu un autre homme qui s'appelait Al-Halith Al-Kadhab. Il était nommé Al-Halith le menteur. Kharaja fi khilafati Abd al-Malik ibn Marwan. Il est sorti à l'époque du califa de Abd al-Malik ibn Marwan. Et lui aussi a prétendu la prophétie. وخرج في خلافة بن العباس et même aussi à l'époque de l'empire l'Abbasiyin à l'époque de leur empire sont apparus des gens jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on a dit qu'à nos jours en début 1900 c'est qui est apparu? Ahmed al-Qadiani, le fondateur de la secte de l'Ahmadiyya. Ahmed al-Qadiani, on a dit qu'il est apparu en Inde, il est mort en 1908, lui a prétendu la prophétie aussi. A prétendu la prophétie. Taïb, c'est nous qui m'il baqiyat al-hadith. On continuera, inchallah, sur l'explication de ce hadith, sur les 30 imposteurs qui apparaîtront au cours de demain, inchallah, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah.